Beaucoup, je ne crois pas que c'est dans l'exclusion qu'on réussit à construire une armée nationale. N'oubliez pas que dans l'armée malienne, vous avez tout le monde, des Touaregs, les Arabes, tout le monde, les Bambara, les Soninké, les Malinké, c'est tout le monde, une armée nationale. Et ensuite, ça ne fait pas ni chaud ni froid, parce que si vous suivez les discours même lors d'un passage du chef d'état-major de la Côte d'Ivoire à ses contingents, il a dit des choses. Il a dit, par exemple, qu'eux-mêmes, ils avaient des doutes. Ça confirme ce que je suis en train de dire. Qu'ils avaient des doutes, ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots du général Lassine Doumbia. Et qu'ils avaient des doutes si leurs militaires pouvaient être à la hauteur, en tout cas des autres militaires. Mais qu'en réalité, ils viennent de voir que leurs militaires ont acquis de l'expérience au Mali. Ce qui montre d'emblée que vous avez affaire à des militaires inexpérimentés. Afrique Média, le monde, c'est nous.